Camarada, la jeunesse se suppression. Salut, vous êtes à l'écoute de Sous Pression, émission de punk ska hardcore francophone qui diffuse à partir de souspressionpunk.com à tous les semaines. Aussi à la radio, au CHU 89,1 FM Ottawa et aussi VR 103,5 FM à Yellowknife. Et l'émission est enregistrée à Ottawa, territoire algonquin non cédé. Moi, c'est Mathieu, je vais être avec vous pendant environ une heure. Je vais faire jouer du punk ska hardcore comme je fais tous les semaines. Et cette semaine, on va commencer avec du Larcin. Groupe, ça fait longtemps que je les ai fait passer en ondes. Alors, je vais faire jouer le morceau Larcin de leur album éponyme, leur EP éponyme sorti peut-être 2011, je pense. En tout cas, ça va être une bonne mission, alors restez à l'écoute, on commence avec du Larcin à sous pression. Thank you. antifascista, alerta, alerta, antifascista, alerta, alerta. Salut, vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression. On vient d'écouter du Hors Contrôle de l'album L'Union fait la force. C'était le morceau Je lève mon verre. La gâchette avant ça de leur album Ne renoncera pas. On a écouté Immortel du Silex avec le morceau Silex de leur EP Sharp as a Rock. Et on a commencé avec du Larcin, le morceau Larcin. Alors c'est ça, on va continuer avec du District de leur album La mort dans l'ombre. On écoutera le morceau Et pourtant, alors pour ceux et celles là, qui aiment du hardcore. On va continuer avec du District. Vous allez aimer ça. Alors voici. Voici District à sous pression. Sentiment, celui de perdre mon âme comme si j'étais. Salut, on vient d'écouter du faux départ de l'album Au pied du mur, le morceau Grand départ du Ultra Razia de leur premier album, l'album éponyme sorti plus tôt cette année, mois de septembre. C'était le morceau Expérience de choc, les erreurs avant ça avec Compliqué ambigu. Et on a commencé le bloc avec du District de leur album La mort dans l'âme. On a écouté le morceau Et pourtant. Alors là, on est à moitié, on a moitié fini là, l'émission. Alors, je vais vous rappeler, comme je fais toutes les semaines, que l'émission, on est présent sur Facebook, facebook.com/sous-pression. Vous faites juste taper sous pression dans Facebook, vous allez trouver ça. Vous cliquez j'aime, vous savez comment ça marche, là. On a aussi une présence, bien évidemment, par courriel. Si vous voulez contacter par courriel, vous pouvez faire ça. C'est au info@commercial-sous-pression-punk.com. info@commercial-sous-pression-punk.com. Si vous avez des demandes spéciales, commentaires, plainte, n'importe quoi, là, allez-y fort. Et ouais, c'est ça. Là, on va continuer avec le bloc sono mondial, le moment où à chaque semaine on fait jouer des chansons par des groupes un peu à l'extérieur de la francophonie. Cette semaine, je vais faire jouer un groupe de hardcore de l'Espagne. Le groupe s'appelle Impacto, du Madrid, je crois. Je vais jouer deux morceaux de leur démo, un morceau Toxico et Perspectiva. C'est vraiment bon hardcore. Alors, c'est ça. Voici du Impacto à sous pression. C'était Impacto avec Toxico et Perspectiva. On continue avec du Civil Aggression, morceau Génération sans idée. Respires-tu encore? Dis-moi que t'es pas mort. Dis-moi que t'es encore là, que tu baisses pas les bras, que t'es pas infecté. Ça panique pas ben fort. La lumière se fait rare. Le plan a bien marché, le virus a lâché. Commence à s'en faire tort. À coup de gaz hilarant, on fait des ignorants, plus personne pour parler. On rend tout compliqué. Personne pour crier. We'll be right back. qui les anime, nous remplissent d'espoir. À toi, vieux camarade, au plus jeune d'entre vous. Si l'espoir nous quittait, on deviendrait tous fous. Mais la croissance au vent est mauvaise conseillère. Elle a mis à genoux tant de nos sens, frères. Attendons le bonsoir et vent de barricade. Certains ont retourné contre toute cette rage. Car les fossoyeurs arrivent pour rater l'agonie d'une société qui cerne les germes de la rage et qui désocialise les derniers enfants sages. Dans l'ombre des pétales, la grandeur grandit. Et quand ça explosera, je penserai à tout outil. Les banques étaient attentes, le vieux monde a crevé. Regarde autour de toi, qui a-t-il à sauver? Berlin, Athènes, Paris, Tunis, Tokyo, Le Caire, Pékin, Londres et Madrid, New York, Sydney, Moscou. N'est pas notre ennemi, parce que le système fabrique des hordes de futurs insoumis. Et même le citoyen modèle, qu'avec l'idéologie, se rend bien compte que le seuil insupportable est franchi. Nous ne sommes pas sous la grande garde, nous ne voulons pas gouverner, seulement mettre nos idées en acte pour que d'autres puissent s'en inspirer. Comme l'eau qui rentre dans la roche et qui finit par l'exploser. Berlin, Athènes, Paris, Tunis, Tokyo, Le Caire, Pékin, Londres, Madrid, New York, Sydney, Moscou. Yeah. Salut tout le monde, bon, vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression. On a commencé le dernier bloc avec du Civil Aggression, le morceau Génération sans idée. Les Sprats après ça, de l'album Joanne chante Les Sprats, le morceau Les Don Juan. Slater et Fils après avec un coup de gaz hilarant de l'album Cours d'inconduite. Down Memory Lane avec Production J, l'affaire Pélican avec Carte sur table de leur EP Le Moins Pire. Du Pavas après ça avec leur morceau Brouillard. Ayoka avec Dans l'ombre, et on vient d'entendre un petit classique du Parabellum de leur album 4 garçons dans le brouillard. C'était le morceau Joyeux Noël, alors on va faire jouer ça pour se mettre un peu dans l'esprit du temps des fêtes. Alors c'est ça, l'émission est terminée là, la misère à faire, à sortir les mots de ma bouche aujourd'hui, c'est peut-être une bonne idée, c'est peut-être une bonne chose que l'émission est terminée là, pour la semaine. On va vous laisser avec un dernier morceau, je vais vous faire jouer Les Partisans de l'album Rallumer tous les soleils, le morceau Mauvais Garçon, chanson qui était aussi sur le spit avec le groupe Les 3-8, mais je vais vous faire jouer le morceau, la version Rallumer tous les soleils. Alors c'est ça, on se retrouve la semaine prochaine, passez une excellente semaine, prenez soin de vous, puis c'est ça, au revoir. Je veux compter sur toi. On est toi. Tu peux compter sur moi. On est toi. Je veux